ubushikiranganje bwo kubungabunga magara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de la soirée de ce 8 octobre. En voici la charpente. La Banque centrale a un nouveau gouverneur dès ce dimanche. Édouard Normand Vigendako remplace Dieudonné Murengera Ntwari après un peu plus d'une année à la tête de la BNB. La construction d'une digue sur la rivière Rusizi, comme réclamée par les habitants de la zone Gatumba, n'est plus envisagée, précisait le Premier ministre au cours de l'émission publique de vendredi. Et l'athlète kényan Kelvin Kiptum, 23 ans, bat le record du monde du marathon avec un chrono de 2h35. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Anselme Irambona. Bonsoir, Édouard Normand Vigendako, 44 ans, détenteur d'un master en économie politique de Williams College, est à partir de ce 8 octobre gouverneur de la Banque centrale selon un décret présidentiel de ce dimanche. Il était jusqu'ici administrateur directeur général de la Banque nationale de développement économique BNDE. Édouard Normand Vigendako remplace ainsi Dieudonné Murengera Ntwari, nommé gouverneur le 8 août de l'année dernière. Il vient de faire un peu plus d'une année à la tête de la Banque des banques. Il avait lui-même remplacé John Chiza en poste pendant 10 ans, c'est-à-dire depuis le 9 août 2012. Entre autres points forts qui ont marqué Dieudonné Murengera Ntwari, c'est notamment la mesure de retrait de la circulation des anciens billets de 10 000 et 5 000 francs burundais, ainsi que la réouverture des bureaux de change. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 16, tronçon Taba-Marwa, aujourd'hui bitumée. Un ouf de soulagement également pour les commerçants de la localité de Taba, en commune et province de Bururi, dont leurs points de vente sont beaucoup plus fréquentés grâce à cette nouvelle infrastructure d'intérêt public. Et les usagers de cette route, de même que ces commerçants, demandent que la route nationale numéro 17, Bururi-Makamba, soit également bitumée. Une correspondance signée Zenon Nzambiman. Les travaux de bitumage de la route nationale numéro 17 tronçon Taba-Marwa sont apparemment terminés. Cette route est aujourd'hui goudronnée, ce qui facilite la circulation des biens et des personnes. Les conducteurs des véhicules assurant le transport en commun et leurs clients disent que c'est un offre de soulagement car les véhicules tombaient souvent en panne et les passagers étaient obligés de passer plus de 2h30 dans ce tronçon de 30 km suite à son impraticabilité. Mais aujourd'hui, de Bururi à Marwa, on n'en met que moins de 30 minutes, confirment les passagers et les conducteurs des véhicules rencontrés dans la localité de Taba en commune de Bururi. Cette annonce de soulagement également pour les commerçants dont leurs points de vente sont aujourd'hui fréquentés grâce à la construction de cette route d'intérêt public. Emmanuel Niongabo, connu sous le sobriquet d'Okodo, un commerçant détaillant des produits de la Bralodi dans la localité de Taba, confirme que ses clients se sont multipliés. Il fait savoir que même ceux qui passaient par Rumonge pour arriver à Bujumbura empruntent aujourd'hui cette nouvelle route. Certains de la population rencontrée dans la bifurcation des routes Taba-Marwa et Taba-Makamba demande que cette route nationale numéro 17 Taba-Makamba soit également bitumée comme cette route nationale numéro 16 car elle est aussi d'intérêt public. Toutefois, les usagers de cette route saluent également les travaux de remise en état de praticabilité de cette route exécutés par l'agence routière du Burundi. Depuis Taba, en commune de Bururi, Zenon Nzambimana pour la radio Isanganiro. Et le déplacement des populations de Gatumba reste la seule solution durable pour les protéger contre les inondations. Le Premier ministre burundais l'a annoncé vendredi au cours d'une conférence publique organisée par les membres du gouvernement, indiquant que la construction d'une digue n'est plus envisagée, mais plutôt chercher des localités où seront délocalisées ces populations. Jérôme de la Coach insiste que ces populations doivent savoir qu'elles occupent le domaine du lac Tanganyika et qu'il s'impose donc de quitter les lieux. Suivez-le plutôt dans cette traduction française d'Alain Désiré Boukéenèze. Abazi mu Gatumba imbere ku gihugu cyacu kija mu magume barazi Gatumba aho yagarukira aho tugiye ce qui connaissait Gatumba avant la crise savait ses limites. Nous sommes sortis de la crise, Gatumba s'était déjà largement étendu, le domaine du lac Tanganyika était également déjà occupé. Certains considèrent que les inondations de Gatumba sont causées par la rivière Rusizi, mais les experts indiquent que cela est principalement dû aux eaux du lac Tanganyika. Les personnes âgées nous disent que le lac ne fait que reprendre son domaine. Mais puisque pendant la crise, les constructions ont envahi le lac, celui-ci ne cesse de réclamer sa propriété. L'on réclame la construction d'une digue sur le Sizi, mais je me demande que cela arrêtera les eaux du lac Tanganyika. Ce qui est sûr est que les eaux de la Rusizi retrouvent le lac débordé et comme ça envahissent les populations environnantes. C'est un problème pour Gatumba, mais le gouvernement doit décider. La solution durable est que les populations des localités les plus menacées doivent être délocalisées. Ce n'est pas facile, mais c'est la seule solution envisageable dans un proche avenir. L'État a des propriétés foncières où peuvent être installées ces populations. Elles doivent comprendre que leur vie n'est pas seulement possible à Gatumba. L'unique solution est la délocalisation des populations menacées pour qu'elles soient effectivement protégées. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivant cette édition, les bouchers prestant au marché de Magara observent un mouvement de grève depuis bientôt 2 semaines. Ils disent travailler à perte car selon eux, les 11 000 francs burundais pratiqués par kilo de viande sans eau n'est plus à jour au regard de la montée des prix des bêtes à abattre et voudraient une révision. Jean-Marie Ndouimana, administrateur communal de Bugarama, dit que les prix officiels doivent être respectés. Certains parmi les amateurs de viande de vache appelle à un compromis entre les deux parties. Une correspondance signée Jean-Pierre Misago. Vers 11h, nous arrivons au marché de Magara en commune Bugarama. Pas de viande de vache comme à l'accoutumée. Des gens s'abritent dans cette place contre un soleil de plomb. Pour certains, cela vient de durer une semaine. Pour d'autres, c'est plus d'une semaine que les bouchers sont en grève. Pour certains, ils ignorent les raisons. Mais pour d'autres, c'est un désaccord entre les bouchers et l'administration locale sur les prix à pratiquer sur 1 kilo de viande qui est à l'origine de cette situation. Les amateurs de la viande de vache voudraient une entente entre les deux parties. Charles Carolero, un boucher, explique que les prix officiels de 11 000 francs burundais par kilo de viande sans os et 10 000 francs burundais par kilo de viande avec os ne conviennent plus au regard des prix de vache au marché. Il indique que si l'administration veut se rassurer, elle peut faire une descente dans les marchés de vache et prendre ensuite des mesures conséquentes. Jean-Marie Ndouimana, administrateur communal de Bugarama, dit que ces prises officielles sont connues et doivent être respectées à Bugarama comme ils le sont dans d'autres communes de la province Rumonge. Pendant ce temps, les prises officielles ne sont pas respectées dans plusieurs marchés de cette province du sud-ouest du Burundi où ils varient entre 13 et 14 000 francs burundais par kilo de viande sans os et entre 11 et 12 000 francs burundais par kilo de viande avec os. Jean-Pierre Misago depuis Magara, Radio Isanganiro. Restons au sud du Burundi, mais cette fois-ci en province Bururi, où 10 hommes commissionnaires de vaches ont été appréhendés au marché du bétail de Matana le matin de ce dimanche. Lui, Ndouimana, conseiller administratif administratifs et financiers au cabinet du gouverneur de cette province fait savoir que 7 parmi eux ont été relâchés après avoir payé une amende de 100 000 francs burundais chacun. Il ajoute que 3 autres avaient été arrêtés dimanche de la semaine écoulée au même marché. Cette autorité administrative appelle la population à dénoncer tous les commissionnaires car ils sont quelquefois source de la hausse ou de la baisse des prix pour gagner illégalement de l'argent à la fois chez le vendeur et chez l'acheteur. En province Ngozi, 249 millions de francs burundais, c'est la somme due par certains étudiants de l'université d'Ngozi à cette institution. Une somme d'argent reçue comme crédit étudiant. À propos du recteur de cette université ce samedi, lors du lancement de l'année jubilaire de l'université d'Ngozi, vieille de 25 ans, Abbé Apollinaire Abanyanghimbaga demande le remboursement de ce dû afin de continuer le financement des projets, notamment la gratuité des études pour les étudiants issus des familles pauvres, estimées à plus de 70 dans cette institution. Le point avec Apollinaire Muzagara. Cette université d'Ngozi a ouvert ses portes en 1999 avec 415 étudiants. Au nombre de ces derniers, ainsi que d'autres qui ont succédé, ont bénéficié d'un crédit étudiant sur 391 100 784 francs burundais reçus par 478 étudiants. 141 847 790 francs burundais ont été remboursés, soit 36% seulement. Lors de l'ouverture au samedi de l'année jubilaire de cette université, j'ai de 25 ans, le recteur de cette institution a bien Colonel Bangaimbaga demande aux 64% qui restent de penser à régler cette dette afin de continuer la réalisation des projets qu'a cette institution universitaire. Il parle entre autres du paiement des études pour les femmes, filles et batois, des familles modestes incapables de se payer l'université malgré leur capacité intellectuelle, la mise en place des laboratoires et autres. 77 étudiants de cette catégorie sont pris en charge par l'université d'Ngozi selon son recteur. Durant ces 25 ans, l'Université d'Ngozi, qui actuellement compte 2300 étudiants, a déjà sorti 6000 étudiants. Aujourd'hui, fonctionnaire et homme d'affaires d'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, en province de Kayanza, pour parler agriculture. Les agriculteurs exploitant le marais de Mandasi, séparant les communes Gatara et Kayanza, disent qu'ils attendent une bonne production de maïs cette saison culturelle. Ils indiquent que l'état végétatif des plantations de maïs dans ce marais est bon et que même les chenilles qui attaquent souvent ces plantes sont peu nombreuses. L'administration communale de Gatara sensibilise ses agriculteurs à l'aménagement des courbes de niveau pour se prévenir contre les changements climatiques. Patrick Nsengiyumva. Certains des agriculteurs des communes Gatara et Kayanza ayant semé le maïs dans le marais de Mandasi séparant ces deux communes contactées disent que la récolte du maïs s'annonce bonne du fait que selon eux, les champs du maïs présentent un bon état végétatif par rapport à la saison culturelle de l'année passée. D'autres parmi ces agriculteurs indiquent que même des chenilles qui détruisent souvent les plantations du maïs sont peu nombreuses cette année par rapport à ceux qui ont détruit les champs de maïs de son marais de Mandasi l'année passée. Les agriculteurs du maïs dans le marais de Mandasi, faut savoir qu'ils continuent à aménager leurs plantations du maïs et espèrent que si rien ne change, ils s'attendent à une très bonne production du maïs à la fin de cette saison culturelle. Au niveau de l'administration communale Gatara, l'on dit se satisfaire de l'état des champs de maïs dans le marais de Mandasi. Pourtant, les autorités administratives en cette commune s'inquiètent des prévisions météorologiques annoncées par l'IGBU selon lesquelles, au cours de cette saison culturelle, il y aura de fortes précipitations. Manila Kiza Julie, secrétaire exécutif et permanent de l'administrateur en commune Gatara, fait savoir que des sensibilisations auprès des agriculteurs de la commune Gatara continuent pour qu'ils curent régulièrement les courbes de niveau et aménagent des puisards et des eaux de pluie pour prévenir que les pluies abondantes dernièrement annoncées par l'Institut géographique du Burundi puissent endommager les champs de culture. Signalons que le marais de Mandasi est parmi les marais aménagés dans les communes Gatara et Kayanza pour la culture en broc de différentes cultures, surtout le maïs et le haricot. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Une brève africaine avant de clore cette édition en athlétisme. Le Kenyan Kelvin Kiptum bat le record du monde d'Eliud Kipchoge à Chicago. À Kelvin Kiptum, 23 ans, est entré dans l'histoire ce dimanche 8 octobre en établissant un nouveau record du monde lors du marathon de Chicago où il a bousculé Il a bouclé plus tôt les 42,195 km en 2h35. Il était déjà le deuxième homme le plus rapide de l'histoire depuis le mois d'avril. Et le marathon de Londres remporté en 2h01 et 25 secondes à l'heure de se présenter sur le marathon de Chicago ce 8 octobre. Kelvin Kiptum était attendu en grand favori. Dans l'Illinois, le Kenyan a pulvérisé le record du monde. Et il est face au chrono de son compatriote Eliud Kipchoge, qui avait fait le chrono de 2h01 et 9 secondes. Voilà, à 18h16 dans le studio de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Mais permettez de vous rappeler cette information à la une. C'est que Edouard Normand Wigendako, 44 ans, est à partir de ce 8 octobre gouverneur de la Banque centrale selon un décret présidentiel de ce dimanche. Il remplace ainsi Dieudonné Murengera Ntwari, a nommé gouverneur de la Banque centrale le 8 août de l'année dernière. Il vient de faire un peu plus d'une année à la tête de la Banque des banques. Merci donc à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Anselme Irambona qui a assuré la mise en onde. Très bonne soirée. Au revoir. Mireille Kanyangi.